Bonjour Janine. Bonjour Béatrice, ça me fait plaisir de te revoir. Moi aussi, ça fait longtemps, ça fait presque 2 ans. Presque 2 ans. Alors, Ouais. le temps passe, voilà. Je te remercie d'avoir accepté cette interview qui est ma première, donc, et je vais la commencer en te posant la question, dire qui tu es, c'est-à-dire ton nom, où est-ce que tu es en ce moment? Et si tu as envie, ton âge. OK, donc qui je suis, qu'est-ce que je fais? Donc je suis chez moi, dans mon bureau, près de mes ordinateurs et tout. Derrière moi, il y a des arbres qui sont dénués, c'est l'automne. Le ciel est blanc plutôt que bleu, donc la neige se prépare, ça c'est important. J'ai beaucoup de lumière ici, c'est très important, je pense, pour moi en tout cas. C'est ici où je travaille, c'est ici où j'écris. Qui je suis? Mon nom est Janine Gagnon, Corbeil. Le Corbeil, petit bout d'histoire. Bref, quand on se mariait dans le temps, au lieu de s'appeler Mademoiselle Janine Gagnon, on s'appelait Madame Yvan Corbeil, n'est-ce pas? C'était la loi, chère française, la loi du Code Napoléon, qui était ici le Code civil au Québec. Nous avions le privilège de bénéficier de la loi du Code Napoléon qui enlevait aux femmes, théoriquement, toute possibilité d'autonomie légale. Alors ça, je me suis mariée en 1960, voyez-vous. Alors, donc théoriquement, je n'aurais pas dû avoir un compte de banque, signer des chèques, etc. C'était théorique, mais la loi a été changée. Il y a eu une femme qui a été la première députée au Québec en 1963, et la loi date de 64, je crois, où elle a redonné l'autonomie aux femmes. Donc, c'était déjà la première femme députée à l'Assemblée nationale, entièrement composée de ces messieurs, n'est-ce pas? Et c'était presque par accident qu'elle avait eu ce poste, c'est-à-dire qu'elle était avocate de son métier. Et son père était député, et elle l'a remplacé comme au pied levé, si on peut dire. Donc, c'est un accident, un heureux accident de l'histoire. Donc, mon nom est resté Janine Corbeil longtemps. Et quand j'ai commencé à écrire, l'éditeur dit, ben non, mais il faut s'appeler Janine Gagnon. Donc, voilà, je m'appelle Janine Gagnon Corbeil. Toutes sortes. J'ai plusieurs noms, comme beaucoup de femmes. Les actes notariés, c'est Gagnon, etc., etc. C'est comme ça, oui. Bon. Comment Alors, je ne sais pas si ça tu... dit ce que je suis. Ça dit Eh bien un oui, peu. c'est la question que j'allais te poser, c'est qui tu es comme personne, comment tu Comment je pourrais me vois? te... Oui. Oui, Bah, comme écoutez. personne, comme être humain. Comme être humain. Comme être humain, Avec... oui. D'abord, bon, je vais commencer par mon âge, j'ai 87 ans et je me trouve une personne très, très vivante pour mon âge. Je suis en parfaite santé grâce à mes géniteurs, sans doute, en partie en tout cas. Et aussi, c'est conforme à ce qu'on lit dans les écrits, dans les recherches. Comme j'ai fait un grand nombre de démarches personnelles, les gens qui sont en santé psychiquement sont davantage en santé physiquement. Voilà. J'ai d'ailleurs écrit un texte au début de la pandémie parce que nos gouvernants nous disaient, les vieux, restez chez vous, ça m'a vexée. Alors j'ai écrit un texte qui a été publié dans les médias. Le titre en était, La vieillesse n'est pas une maladie. Alors voilà, donc j'ai étudié la psychologie ici à l'Université de Montréal et ensuite je suis allée étudier en France. En France, j'ai étudié surtout le psychodrame et la dynamique des groupes à cette époque-là. Et puis j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses très intéressantes, bien entendu, en France. Je suivais toutes sortes de cours en littérature. Mais ça, C'était l'ouverture. Oui. je vais te poser la question un peu, on va y revenir justement un peu plus profondément quand on va regarder quel gestaltiste tu es et quel parcours tu as. Là, j'aimerais en savoir un petit peu plus, si tu peux me dire un peu tes qualités, tes valeurs, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne, vraiment OK. ton être. Ce qui me passionne, c'est en même temps ce qui m'amène des problèmes. Ce sont les problèmes de. C'est beaucoup les problèmes de santé mentale, dans le fond. C'est le problème de la santé dans le, la société en général. Je me vois comme une. Fondamentalement, comme une grande soignante. C'est comme ça. J'ai fait ça toute ma vie. J'étais l'aînée d'une famille. Dans le temps, les familles québécoises, c'était des familles. Chez nous, 10 enfants, je suis l'aînée. Alors, bien entendu, que j'ai secondé la maman qui a eu soin, qui avait besoin d'aide pour soigner les enfants, etc. Alors, il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de péripéties que mes parents m'ont racontées, comment je prenais soin des plus petits. C'est le rôle des aînés de famille. J'ai fait ça beaucoup. Et puis, je suis allée en psychologie pour changer les choses. Je suis allée en psychologie quand j'avais 20 ans. Voilà. Donc, je suis là-dedans depuis ce temps-là. Est-ce que ça répond à ta question? Et j'ai encore envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu vis comme étant tes qualités. Mes Et qualités. oui. Oui. Je pense que. Une de mes qualités, j'appelle ça une qualité, tout le monde trouvera peut-être pas que je suis une. J'ai toujours été une enfant un peu rebelle. Je viens d'un milieu, c'était dans le fond des campagnes. Le sort des filles, c'était de pas étudier trop, puis d'attendre le prince charmant pour se faire une carrière de femme à la maison et d'épouse. Comme on dit, dans les bonnes épouses, comme dit le film. Bon. Et ça, moi, ça m'a jamais, même quand j'étais toute petite, ça ne m'intéressait absolument pas. Mes rêves, quand j'étais jeune, c'était de. Je pensais que je serais médecin et que j'avais un rêve, quand j'avais vers 8-9 ans, d'être médecin sur les champs de bataille pour soigner les blessés. C'est fou, mais c'était comme ça, voyez-vous. C'était pas du tout les contes de la princesse enfermée dans son donjon qui attend le prince charmant pour la libérer. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Et est-ce que, bon, donc ça fait partie de mes caractéristiques comme être humain. J'ai jamais accepté de rentrer dans le moule qu'on imposait aux filles dans le temps. Et d'ailleurs, mes parents étaient d'accord avec moi. Ça, il ne faut pas oublier que je rends grâce publiquement au niveau de la planète. Je rends grâce à mon père, qui était un homme féministe, qui trouvait que le sort des femmes était terrible. Sa mère avait eu 19 enfants, voyez-vous. C'est pas qu'elle était malheureuse, mais il trouvait que les femmes étaient maltraitées par la société. Et pour lui, c'était très important que ses filles atteignent une autonomie économique financière. Il fallait surtout pas se fier aux hommes, disait-il. Ah oui. Donc, j'étais très jeune, moi, puis j'ai entendu des discours comme ça, ma petite fille, méfie-toi, là, de ces beaux parleurs, etc. Bon. Peut-être qu'il voulait nous garder pour lui, j'en sais rien. Il y a eu ça aussi qu'on a découvert dans toutes nos démarches, c'est qu'il voulait bien garder. Mais enfin, il protégeait ses filles, il protégeait les gens plus faibles. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que je suis sortie du sort. On est au Québec, là. Je suis née, moi, dans les années 30, alors 33, 34. On est au Québec, c'est un Québec profond, là, où l'Église interdisait que les femmes aillent étudier. C'était pas bon pour elle. Il fallait qu'elle fasse un cours qui se termine vers 16 ans au maximum pour devenir des belles épouses et qu'elle allait étudier les sciences, la physique, les mathématiques. Ça leur enlèverait leur féminité, n'est-ce pas? Alors, ce sont beaucoup les communautés religieuses qui se sont battues pour donner droit aux femmes d'étudier. Donc, ce que je suis en train de dire, dans le fond, c'est que je suis une psychologue, mais féministe, comme tu peux voir. C'est ça. Donc, Et ça me vient en partie de mes parents, mais aussi de mon sale caractère. Voilà. De ta vitalité, de ta détermination. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ma vitalité. Oui, c'est ça. Et je pense que les personnes âgées peuvent être, avoir une très grande vitalité. Donc, je me situe parmi les personnes âgées, mais avec une très grande vitalité, une curiosité intellectuelle, toutes sortes de projets, des projets d'écriture aussi, tout ça. Tu m'amènes sur un plateau la question qui est de savoir, c'est une question assez personnelle, justement, comment tu te vis comme genre et en quoi c'est appartenir à ton genre, ça a de l'importance pour toi, ça parle de ta relation au monde. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça? Bon, ben alors, d'abord, je suis du sexe féminin, je suis genrée aussi féminin. J'ai aussi été énormément entraînée à être une bonne épouse, etc. Je fais tout ça. Donc, je me vois comme ayant un côté indéniablement féminin, mais en même temps, avec un côté... J'ai un côté masculin aussi qui est cette espèce de pousser vers réussir, sortir des sentiers battus, me débattre dans la société, Est-ce que ça répond à ta question? Oui, j'étais en train de penser que tu identifies ton côté combatif, ton quelque chose du yang, je dirais, au masculin en toi. Et donc, il y aurait chez toi pas, ce serait pas juste je suis une femme, mais j'ai cette énergie féminine, cette énergie masculine, en tout cas qu'on prête aux hommes, et pour toi, les deux sont importants. Est-ce que Oui, c'est ça. Je lis beaucoup Marie-Louise von Franz. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une Jungienne, évidemment, la grande disciple, la première disciple de Carl Gustav Jung. Elle parle beaucoup de l'animus à l'intérieur de chacune de nous. Il s'agit que cet animus-là soit qu'on s'en fasse un allié. J'ai eu des périodes de ma vie où, d'ailleurs, j'étais en analyse Jungienne. Où j'avais énormément de difficultés personnelles, mon mari était très malade, etc., mon mari et mon fils. Alors, je faisais des rêves où les hommes massacraient des femmes et, on peut en faire une lecture sociale, mais la Jungienne, qui était mon analyste, disait que mon côté animus masculin était en train de me faire un mauvais sort. Donc, ça s'est réglé, ce que je pense. Est-ce que ça peut toujours être réglé? Je ne sais pas. Mais disons que ces deux parties-là vivent beaucoup plus en paix à cette période-ci de ma vie. Mais je crois que la période de ma vie actuelle, c'est quand même une période facile. Bon, c'est évidemment une période de fragilité, dit-on, et c'est vrai. Mais c'est une période où tous les conflits... travail, famille, travail, vie amoureuse, vie avec les enfants, vie de travail. Ces conflits-là ne sont plus là. En tout cas, ils sont réduits au minimum. On n'a pas d'enfants à prendre soin. On n'a pas à se lever la nuit pour soigner un enfant malade, etc. Ce que la majorité des femmes en Occident vivent, le conflit maternité, et profession de foi. J'écoutais Elisabeth Badinter encore récemment. C'est un thème favori pour elle. C'est très intéressant quand elle en parle. Tu la connais? Je connais ses écrits, oui. En France, elle est quand même une des grandes figures du féminisme aussi. Et, c'est ça. Vrai que ça a été une influence pour nous. Les femmes de ma génération, hein, ça a vraiment été... en particulier, son livre XY... Oui, ça a vraiment été quelque chose de très fort pour nous, très marquante. Et du coup, la question que j'ai ensuite, Ce serait justement, tu en parlais un peu, tu l'as évoqué, tu as parlé de la figure paternelle chez toi, mais j'aurais voulu savoir quelles ont été les personnes qui ont eu une influence sur toi, qui ont été marquantes pour toi. Ça peut être vraiment professionnel, ça peut être personnel, mais des personnes vraiment qui t'ont marqué. Oui, bon, alors j'ai déjà parlé de mes parents. Je vais ajouter donc mon père qui a encouragé ses filles à tout ça, c'est dit. Je pense que je vais ajouter un mot que je trouve important. Quand finalement il fut décidé, j'étais la première dans la famille et ça a été presque une question de toute la tribu qui s'en est mêlée. Est-ce qu'elle doit continuer à étudier? Vas-tu changer les couches de tes bébés en latin? J'ai entendu toutes sortes de phrases idiotes comme ça. Donc, voyez-vous, c'était un grand sujet de l'heure. Et finalement, quand il fut décidé, parce que c'est mon père qui a décidé, que Jeannine irait étudier, parce qu'il lui avait compris que s'il disait non, je le ferais quand même. Alors, il a décidé que c'était plus simple de m'aider. C'est ce qu'il a fait. Ma mère m'a pris par devers elle et elle m'a dit, parce que elle, ses ambitions, c'était pas comme ça. Elle m'aurait vue institutrice comme elle l'avait été, bon, etc. Puis l'autre aurait été infirmière. Elle nous voyait toujours tout autour d'elle. Alors, elle m'a pris vers elle et elle m'a dit quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Je ne sais pas où elle avait pris ces informations. Elle m'a dit, Jeannine, tu seras plus instruite que la moyenne des femmes. Ça veut dire que tu pourras sauver des femmes. Elle a dit... Tu sais, dans certains pays, certaines femmes, étant donné leur religion, n'ont pas le droit de se faire soigner par les médecins parce que les médecins sont des hommes. Elles n'ont pas le droit d'être soigneurs des hommes. Comment ma mère savait ça? Donc, elle savait ça, ce qui est assez surprenant, mais en tout cas. Donc, toi, tu pourras soigner les femmes. Et je me suis rendu compte que j'ai fait des ateliers sur la féminité, affirmation de soi, gna gna, tout ça, tout ça, tout ça. C'est juste après coup que je me suis rendu compte que je répondais à quelque chose qui venait de ma mère. Donc, c'est une influence qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier, qui est un rôle de femme, dans le fond, hein, de prendre soin des autres, de la sororité. Et ça, les autres influences, j'ai eu un professeur, deux personnes quand j'étais adolescente. Une qui était mon professeur de musique, et qui nous regroupait, on était trois, où elle nous donnait des cours sur la structure musicale. Alors, pour moi, ça a été un privilège parce que j'aimais la musique et pour elle aussi, c'était une raison de vivre. Ça, c'est une personne très importante pour moi. Puis, il y en avait une autre qui nous faisait lire Saint-Exupéry, Jacques Maritain, qui était évidemment une religieuse, très religieuse et tout et tout. Mais on avait des grandes discussions, des grands débats avec elle. Il fallait que Dieu soit dans les discussions, bien entendu, mais elle m'a ouvert l'esprit à cette époque-là. Après, les personnes qui m'ont influencée, je dirais que c'est... Après ça, je crois que ça va... Quand je suis allée au Gestalt Institute de Cleveland, c'est eux qui m'ont mis sur la piste de la... J'avais rencontré Joseph Zinker. Je l'avais rencontré, il était venu ici à Montréal, il avait fait un atelier et j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Ah, j'avais fait un stage aussi chez Carl Rogers quand j'avais 22, 23 ans. Ça aussi, ça m'avait marqué. C'était très loin de la mentalité de l'université. À l'université où on disait la prière le matin, vous savez, c'était une université catholique. Je vous retourne à la préhistoire, mais c'était ça. Et on m'appelait vous, Mademoiselle Gagnon, alors que là-bas, on t'appelle you, Jeannine, toi, Jeannine. Donc, c'est très convivial. On t'invite à un cocktail. On te demande quels sont tes projets d'études. La proximité entre les étudiants et les professeurs est beaucoup plus grande qu'ici ou ici. C'était très, très, très distant et très formel. Donc, ça m'a marqué. Puis ça a marqué, évidemment, ma formation comme psychologue, parce qu'on n'était pas du tout dans le rogérisme, on était dans les théories freudiennes surtout, etc. Bon. Alors ça a été une influence pour moi. Et l'autre influence, ça a été Cleveland. Moi, je trouve que c'est Cleveland qui m'a mis au monde. Donc, j'avais 38 ans, 39 ans, quelque chose comme ça, quand je suis allée là. Et j'ai continué à travailler avec eux. Ils sont venus travailler dans mon programme de formation. J'avais un programme de formation à la Gestalt ici pendant 15 ans. Et ils sont venus travailler pendant ces 15 ans-là, trois ou quatre d'entre eux. C'était ma façon à moi de me ressourcer, de me recycler. Et ça apportait aussi quelque chose ici. Voilà. Ouais, il y a beaucoup Et. d'ouverture, hein. C'est ce que j'ai l'impression, c'est vraiment comment tu parles du fermé, étroit, Oui. codifié, Oui. normé, et puis ce que tu racontes de tes influences, c'est vraiment de plus en plus d'ouverture, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, que ce soit dans les relations humaines, dans le contact. C'était comme ça, quelque chose qui s'ouvre. Et puis le lien aussi, j'ai l'impression qu'il y a. Il y a le lien, oui, le lien est important, oui, Oui. c'est ça. Oui. Et puis finalement, c'est Cleveland qui m'a amené à aller travailler en France, c'est-à-dire en Belgique, pour commencer, en Ah oui, et alors, 1960. oui, justement, tu es. C'est toi. Je vois comment tu vas vite et comment tu anticipes. Mais c'est chouette, hein. Tu me prépares toutes mes questions parce que du Ah coup, là, bon? j'avais envie. Eh Mais bien. oui, c'est super. Donc, juste, j'avais envie d'en savoir plus justement sur comment tu avais rencontré la Gestalt. Tu nous en as dit un petit peu là. Et justement, comment tu te l'es approprié pour toi? Qu'est-ce que ça a transformé en toi? Tu as en partie répondu, mais je pense qu'on peut affiner encore. Oui, qu'est-ce que ça m'a apporté, la Gestalt? J'ai trouvé ça tellement vivant. C'est surtout ça. Je pense, je reviens toujours à cette fois où Joseph Zinker débarque à Montréal au milieu d'une tempête de neige en février. Il arrive en retard dans le groupe, puis il nous fait faire cette espèce de petit exercice qui a l'air de rien du tout, où tu es avec une personne et tu dis en ce moment. Je pense à telle chose, en ce moment je vois tes yeux, en ce moment j'observe que tu me regardes, et au bout de 10 minutes, il y a quelque chose qui a complètement changé, qui avait plein changé chez moi, où je me sentais tellement vivante. Alors c'est ça, donc pour moi la Gestalt, c'est la vitalité. Parce que, bon, disons que ça a probablement répondu, j'étais, vous savez, comme je dis, c'est un parfait résultat de mon éducation rigide et sévère. Et ça, c'est la spontanéité. Hein? On ne s'en va pas chercher dans les airs ou dans des normes ce qu'il faut. On le trouve à l'intérieur de soi. Ça m'a, je savais que c'était ça que je voulais faire jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai amené dans la famille aussi, évidemment. Ça avait brassé le couple aussi à ce moment-là. J'étais quand même sortie un tout petit peu des ornières qui était quand même un couple avec des côtés traditionnels où je travaillais bien, je faisais un petit peu de la psychologie tranquillement, sans faire trop de bruit, etc. Et le mari était le principal, le gagne-pain, le chef de famille, en d'autres mots. Alors, même si c'est lui qui a payé mes études parce que moi, j'avais pas un sou et que c'est lui qui m'a encouragé à continuer, on avait quand même des rôles qui étaient assez traditionnels. Donc, à partir de ma formation, je ne sais pas si. Surtout à l'époque où on travaille toutes les introjections. Ça, c'est là où on travaillait toutes les introjections. Alors là, je pense que je suis devenue absolument insupportable. Dès que je sentais une introjection à droite ou à gauche, ça sautait. Alors voilà, donc ça brassait un peu la cage de la vie de couple, ça c'est certain. Pas la vie avec les enfants, la vie de couple. Et finalement, mon mari, Yvan Corbeil, il a pris goût, il est allé lui-même faire des sessions à Cleveland, etc. Donc lui-même, il en avait besoin personnellement. Pas professionnellement, mais personnellement, ça lui avait fait. Un bien fou. Nous étions allés faire un groupe pour couple à Cleveland. À la suite de tout ce remue-ménage-là, là, on était allés faire un groupe pour couple et ça avait été extraordinaire. vraiment une grande compréhension de nous deux aussi, parce que j'avais l'impression que si je parle trop, tu me le diras, moi je me laisse aller. Mais non, mais moi c'est tout le but, il n'y a aucune, au contraire, je t'écoute okay. avec attention donc, et intérêt. C'était deux groupes de 12 personnes, donc 12 couples, on était 24, et j'étais la seule femme professionnelle. Les autres, le pattern, c'était le monsieur avec le mari avec sa femme qui est une dame à la maison ou alors qu'elle est une secrétaire ou quelque chose comme ça. Alors moi, j'étais évidemment convaincue que toute l'origine de nos problèmes, de nos difficultés de couple, était due au fait que je n'étais pas normale, bien entendu. C'est clair que dans ce groupe-là, je n'étais pas normale. Et ce que les animateurs ont fait, qui a été génial, ils ont proclamé officiellement, et tu vas voir le méta-message, ils ont dit, nous deux, ils étaient un couple réel dans la vie, nous nous identifions beaucoup à vous deux. Alors, c'était un méta-message pour les autres aussi, parce que c'est un milieu très égalitaire, le milieu de la Gestalt à Cleveland. Alors, c'est un milieu très égalitaire. On proclamait, donc, vous êtes nos favoris. On ne s'est pas gêné pour le dire. Et, bon, en même temps, nous ont aidés à travailler des choses qu'on avait à travailler, là, tout ça, mais ils ont fait ça. Et donc, j'ai arrêté de me sentir coupable et de voir que la source des problèmes du couple, c'était le fait que j'aurais jamais dû étudier autant que ça dans ma vie, etc. Bon, faire comme toutes les autres femmes, bon. Ça avait réglé. C'est une phrase ou deux, hein. C'est pas des grandes démonstrations, là. C'était très, très spécial. Ça, c'est très américain aussi, je trouve. Je n'aurais pas obtenu ça au Québec. Non, pas du tout. Non. Alors, ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond complètement à ma question. Du coup, ça m'amène à... justement, qu'est-ce que tu en as fait, toi, de la Gestalt? Comment tu te l'es approprié? Qu'est-ce que tu en as fait dans ta vie professionnelle? À partir du moment où tu l'as rencontré? Ce que j'en ai fait, c'est que dans quelques années après, pas si longtemps après, j'ai décidé d'ouvrir un programme de formation pour les intervenants ici en santé mentale. Et donc, c'était pour moi, je me disais que c'était l'approche à laquelle je croyais. Je croyais à l'être humain vivant. Je croyais à cet aspect qu'on appelle holistique, qu'à défaut de regarder des symptômes uniquement, on regarde la fonction des symptômes qui sont au service de l'humain. Ça me plaisait beaucoup. Ça répondait à quelque chose pour moi. J'aimais aussi beaucoup cette façon d'assimiler toutes les introjections qu'on a, parce que moi j'avais eu une éducation très sévère, très catholique, tout, dans les pensionnats, dans la famille aussi, bien sûr. Alors, ça m'avait beaucoup libérée de faire le ménage dans tout ce qu'on appelle les introjections. Et ça m'avait rendue vivante. Donc, c'était quelque chose que je désirais transmettre. Je crois que j'ai un côté soignant, mais je crois que j'ai un côté enseignant aussi. J'aime transmettre ce que j'ai appris. Bon, dans ma famille, il y avait beaucoup d'enseignants. Ma mère l'avait été, son grand-père aussi, etc. Donc, j'aime transmettre ce que j'ai. Donc, j'ai mis un programme de formation à la Gestalt. J'ai eu des centaines de personnes qui sont venues. Ça a été très intéressant. Ça a été un mouvement très grand ici au Québec à cette époque-là. Comme je disais, les gens de Cleveland venaient. Et après, je suis allée travailler avec eux en Belgique en 1976. Donc, la première fois où j'allais travailler en Europe. Et ça a été très intéressant pour moi de voir comment, si on parle des, par exemple, si on parle des introjections, si on parle de la notion de frontière, comment tout ça s'inscrit dans une culture en particulier et que la sémantique n'est pas du tout la même. Il y a des composantes qui sont très différentes. Et ça a été une grande découverte pour moi. J'ai appris beaucoup de ça. Je peux donner des exemples simples. Oui, justement, j'allais te demander quelles sont les expériences vraiment importantes, éclairantes pour toi au cours de ton parcours avec la Gestalt qui t'ont marqué. Oui, donc d'avoir enseigné en Europe, ça m'a permis de replacer, c'est comme de redonner une nouvelle figure à la Gestalt. C'est vrai qu'elle a été mise au pied, elle a été mise sur pied dans un contexte nord-américain, ensuite transposée au Québec, mais la culture belge, la culture française est très, très différente. Je me souviens d'un petit exemple. On dit, bon, ben là, on donne un exercice à tout le monde, et après, la phrase, c'est, on va. En plus, je travaillais avec un homme anglophone, donc je traduisais. Donc, des fois, la traduction, j'avais dit, c'est comme on ramassera les copies. Les gens ont vu tout de suite l'institutrice à la petite école. Bon, en tout cas, on a pu en parler. Des choses comme ça, comme par exemple, ce sont des exemples simples. Comment le poids de la culture. Le poids de la culture et le poids sur les frontières. La notion de frontière en Amérique du Nord, si on fait associer les gens à la notion de frontière, ça va être quelque chose à développer. Aller en dehors, puis la notion de Pearls, c'était ça. Lui, son objectif, c'était d'élargir les frontières. Que notre éducation, il était d'ailleurs un Européen, un Allemand avec un père, etc. Bon, donc lui, son objectif, c'était d'ouvrir les frontières, qu'on arrête de vivre dans une prison, dans la prison de la névrose dont parle aussi Alexandre Lowen, a des très jolies phrases là-dessus. Alors que en Europe, la notion de frontière, c'est pas ça, ça n'a pas une évocation historique. D'expansion, ça a une évocation historique de protection des frontières, étant donné les histoires de guerre, etc. Tu vois, c'est une implication qui est centenaire et qui est très, très différente d'une culture à l'autre. Ça, je trouvais ça très intéressant de réfléchir à ces questions-là. Sais pas si ça répond à ta question. Oui. Très bien, super. Justement, je me demandais si aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus figure dans la pratique ou dans la théorie Gestalt pour toi? Tu me racontes ce qui s'est passé dans ce que tu as découvert à ces années-là, mais est-ce que c'est encore d'actualité pour toi ou est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu es plus attaché maintenant à la Gestalt, ce qui a changé? Peut-être que la gestalt telle qu'elle est appliquée autour, évidemment, se modifie par les contextes et les autres théories qui avancent. J'espère qu'elle ne sera pas rigide et figée comme certaines autres théories où il faut toujours dire la même chose que le maître avait dit. Ça, comprends-tu? J'espère que ça va rester une théorie vivante. Ceci étant dit, moi, j'en trouve la légitimité. Quand je lis, par exemple, en neuro, tous ces neuropsychiatres, ces neurologues qui écrivent sur l'importance, ils sont habituellement de culture psychanalytique. Et ce qu'ils écrivent, je pense à Siegel, je ne sais pas si tu connais, Daniel Siegel, bon, il y a plein d'auteurs comme ça qui vont parler de l'importance de l'émotion. Alors, ça, dans la culture actuelle, de la façon dont la psychologie est appliquée, ça n'a pas très énormément, on n'a pas tellement accordé d'importance à l'émotion. Elle n'était pas importante. Ici, on est beaucoup dans un courant de cognitivo-comportemental où il s'agit d'enseigner aux gens des comportements, ce qui a sa place dans certaines situations. Mais la place de l'émotion comme étant le moteur essentiel entre les besoins et les, je sais pas, les contingences du milieu. Ça, ce sont des théories nouvelles. Les théories nouvelles aussi qui parlent de, si on les oppose à la théorie génétique de type psychanalytique avec la notion de pulsion, l'enfant naît avec des pulsions. Maintenant, on parle du bébé relationnel. On parle même qu'il est relationnel dans la vie intra-utérine. Et ça, c'est acquis. Donc, ça rejoint des principes de la Gestalt qui m'ont toujours été très chers. C'est que, comme je disais à mes étudiants, un oranger qui pousse dans ma fenêtre, il ne pousse pas de la même façon à ses veilles. Okay? Donc, l'environnement, on ne peut pas se détacher. Le développement de l'individu ne peut pas se détacher de l'environnement dans lequel il se développe. On le dit en théorie, mais on l'applique très peu. On regarde, on est porté à... Je trouve que la psychologie actuelle est mimique les plus mauvais côtés de la médecine. Ça devient une psychologie de laboratoire où on va voir les recherches, les données probantes et on soigne les symptômes. On ne s'occupe pas de la personne. On ne s'occupe pas de la, on n'a pas le temps de s'occuper de la personne. On s'occupe de ses symptômes de façon à en faire un citoyen qui va fonctionner. Alors, c'est une société. On vit, je ne sais pas si je suis encore en Gestalt quand je parle comme ça, mais certainement, c'est-à-dire moi, je suis en dehors de ça, dans le sens qu'on vit dans une société qui est très déshumanisante, où la Gestalt n'a pas sa place. Ce n'est pas absolument pas intéressant de savoir ce qu'un être humain est dans son essence. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de s'organiser pour qu'il fonctionne bien. Voilà. Je vois comment le thème de l'émotion et l'émotion que tu as d'énergie, l'émotion liée à l'énergie chez toi, hein, de colère, de rébellion, l'émotion de la colère, fait que tu agis différemment. Et je trouve aussi que ce que tu donnes à voir, en tout cas aujourd'hui, c'est comment tu es vivante avec tes émotions. Et je trouve que ça relie ce que tu dis et la place que tu donnes aux émotions. Je ne sais pas si moi, je reçois bien ce que tu me dis, si c'est comme ça que tu te sens aussi. Oui, et il y a ça, il y a la révolte dont j'ai parlé, mais il y a aussi le souci de prendre soin des gens, le lien. C'est pas juste la révolte, le besoin de lien. Il y avait un exemple ce matin dans les journaux, je crois que c'est pertinent. Donc, c'est une jeune fille, elle est étudiante en soins infirmiers et elle écrit sur Twitter, ça y est, c'est fini, je tire la plug, ça veut dire la vie est finie. Bon. Elle croit envoyer ça à une amie, mais par erreur, dans un acte manqué qui est très bien, elle envoie ça sur la toile à la grandeur, de sorte qu'elle finit plus de recevoir des gens qui communiquent avec elle, qui lui parlent. Oui, c'est vrai, tu es. Mais en tout cas, elle reçoit un tas d'entraide comme ça de la société, dont un jeune homme, je dis qu'il est jeune, j'en sais rien, mais qui commence à parler avec elle, puis. À un moment donné, il lui dit « Tu es toujours là ?» Il dit « Oui, mais pas pour longtemps. » Alors, il a appelé les 911, les services de police, et elle dit elle-même maintenant que les policiers seraient arrivés 5 minutes plus tard, qui aurait été trop tard. Ils l'ont. Bon, ça, c'est le stade numéro un, le premier acte. Deuxième acte, il l'amène à l'hôpital. La psychiatre l'a vu peut-être un quart d'heure. Elle a retourné chez elle. Elle lui a conseillé de recommuniquer avec son psychiatre à elle. Mais comme elle a changé de région, son psychiatre est dans une région éloignée, ça va prendre 2 ou 3 mois avant qu'elle puisse te rejoindre. Alors, comprends-tu? Moi, je ne comprends pas qu'une jeune fille qui a appelé à l'aide comme ça, qui a été secourue par la population, qu'on l'expédie au l'espace le lendemain, elle n'a pas été 24 heures à l'hôpital, je ne crois pas. Et c'est ça que j'appelle une société déshumanisée, où on regarde, c'est un peu comme une machine, on a regardé un pont, est-ce qu'il y a des chances, 95% de chances de tomber ou juste 5? 5, bon, on va attendre un peu pour le réparer. Comprends-tu? Donc, et la psychiatre est interviewée, elle dit, ben, c'est très difficile d'évaluer, peut-être que les tendances suicidaires ne sont pas si fortes que ça. On a évalué ça grosso modo, donc elle peut retourner chez elle à son petit bonheur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est loin de la gestalt. Il n'y a rien là-dedans. La parole vient de la population, mais la parole ne vient pas des spécialistes. Ce qu'on appelle la thérapie par la parole. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce que je t'ai coupé, oui? Non, non, pas du tout. J'étais en train de... Toujours pareil, je te vois animée, combative, avec cette envie de changer et puis toucher aussi, hein, toucher de ce qui arrive à cette jeunesse, à cette population, le besoin de se relier. Et voilà, j'étais en train de t'écouter avec ça et je raisonnais avec ce que tu disais. Et du coup, ça m'amène à une autre question, c'est comment toi tu te... Est-ce que tu as l'impression que tu fais partie de la communauté gestaltiste, puisque tu parles de différents autres courants, et est-ce que pour toi, tu fais partie de la communauté gestaltiste? Est-ce que tu en as une? Oui, oui, mais la communauté gestaltiste, il n'y a plus de programme de formation en gestalt que je sache, ici au Québec. Il n'y a plus ça. Donc, je fais partie de la communauté gestaltiste, c'est-à-dire j'ai des collègues, des anciens étudiants, des gens avec lesquels je dialogue, mais il n'y a pas d'institution. Et le courant ici, à l'heure actuelle, c'est beaucoup, c'est comme trans-théorique. On est plus dans un besoin de... et qui a du sens, au lieu d'avoir chacun ses écoles et chacun sa chapelle, on est plutôt dans des besoins transtéoriques où on met la personne de l'avant. Il y a certains groupes ici, il y a deux regroupements différents, un qui est né aux États-Unis, encore une fois, qui s'appelle, c'est sur l'intersubjectivisme, donc ce sont des gens, le background est psychanalytique, et ils développent la notion de la relation par opposition à juste l'analyse froide, objective. Et alors, il y a des séminaires, c'est une association qui est très, très vivante. Il y en a une autre qui s'appelle Radar Psy. Et alors, à ce moment-là, qui comprend à peu près tous les gens qui se sentent des affinités avec des thérapies de type relationnel, plutôt que des thérapies de type solution-symptôme. Ça, c'est clair. Donc, c'est comme, il y a des écrits, il y a des regroupements, c'est très vivant de ce côté-là. Donc, il y a la gestalt telle qu'elle, les gestaltistes vont se retrouver là-dedans, mais la gestalt telle qu'elle, il n'y a pas un mouvement gestalt. Il y a eu une association gestalt qui est tombée. Ici, au Québec, les associations ne durent pas très longtemps. Peut-être toutes sortes de raisons culturelles. Une des raisons, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Donc, les relèves, il y a des gens qui mettent des choses sur pied, puis la relève, après, n'est plus là. Il n'y a personne. Ça m'amène à une autre question qui est comment est-ce que tu te vois, toi, évoluer avec la gestalt? C'est quoi le next pour toi avec la gestalt et aussi pour la gestalt théorique, pratique, l'avenir de la gestalt? Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu souhaites? Comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu imagines? Mais moi-même, dans ce que je dis, ça doit transparaître. Je ne suis pas que gestaltiste. Je suis, disons que c'est la façon dont j'explique ça, c'est que c'est la matrice. De mon fonctionnement, d'ensemble des postulats avec lesquels je fonctionne, le lien interdépendant, individu, environnement, le lien de l'ensemble, que chaque partie du corps est au service de l'ensemble, etc. Tous ces principes autorégulants-là, ça fera toujours faire partie de moi. Mais je m'alimente ailleurs aussi parce que Donc, c'est comme ça que je suis. Comme je le mentionnais, j'ai eu une analyse jungienne. Je lis du côté de Jung, ça m'intéresse beaucoup. Je lis les neuropsies, je trouve ça très intéressant. Dans la mesure où on sort du laboratoire, mais enfin, le laboratoire nous permet aussi de vérifier des choses. Il y a aussi des nouvelles théories sur le développement du bébé qui m'intéressent beaucoup, le développement de l'humain à partir de la naissance, comment ça m'intéresse. Donc, je ne suis pas que gestaltiste, se dire pur et ne parler que le vocabulaire gestalt. C'est comme ça que je suis. Qu'est-ce que je souhaite? Moi, je souhaite que la gestalt reste, c'est-à-dire que les principes fondamentaux, l'approche holistique, je ne sais pas comment on le dit en français, en anglais, on dit holistique. Holistique, oui, c'est ça. OK, donc l'approche holistique, on s'en va de plus en plus dans la société à diviser les choses, à regarder des petits... Si on regarde, on prend un microscope et on regarde... Bon, on regarde bon, la COVID. Qui est... Bon, ça, c'est important. Ça, c'est très important. Mais elle se développe chez des humains et dans des cultures. Et on voit bien que si on prend la COVID comme exemple, s'il y a des traits communs, par exemple la deuxième vague, etc., etc., certains pays ont des façons très différentes de la traiter et les humains ont des façons aussi différentes de gérer ça, de gérer... donc, et probablement qu'il y a énormément de différences de l'individu à un autre aussi. On sait que les personnes âgées sont plus fragiles, mais en même temps, ils sont peut-être moins porteurs parce qu'ils sont plus isolés aussi. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est un exemple. Je ne sais pas, est-ce que ça te dit quelque chose, oui? Ce que je comprends, c'est que c'est toujours cette... tu es toujours muée par ce besoin d'ouverture, d'intégration. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est toujours là. Et ce que tu souhaites, tu l'as dit au début, c'est pour ça que tu as beaucoup anticipé mes questions, c'était que tu souhaitais que la gestalt reste quelque chose de vivant aussi. Tu as dit, oui, c'est ça. Donc, si elle reste vivant, elle va se nourrir de d'autres choses. Je suis en train de lire un livre qui est une espèce de brique incroyable. Son nom, je l'oublie pour l'instant. C'est un neuro. Il est britannique d'origine et il a écrit un livre qui est très intéressant où il parle du cerveau droit et du cerveau gauche. Je ne sais pas si tu connais. Il dit, comment il l'appelle, le maître et son serviteur. Pour lui, on est beaucoup trop cerveau gauche, beaucoup trop logique. Et il dit que la société moderne, puis il a fait remonter à l'ouverture vers les sciences, la société moderne manifeste des symptômes similaires aux gens qui ont des tumeurs à l'hémisphère droit. C'est-à-dire que l'hémisphère droit permet de voir permet de voir les objets dans leur ensemble et dans leur contexte. C'est l'imaginaire, alors qu'on est en train de rétrécir et de faire des examens de laboratoire comme si c'était la vérité absolue. Alors, le laboratoire, ça nous aide, mais l'être humain est plus que un machin dans une éprouvette. Donc, vous avez aussi un philosophe français qui est très intéressant à ce sujet-là. Il s'appelle Michel Henry. Il est un phénoménologiste du 20e siècle. Il est décédé maintenant. Il a écrit un livre que je veux me procurer. Je me demande si ça ne s'appelle pas « La barbarie du scientisme ». Donc, on a un dieu qui est la science. Mais la science, il faut qu'elle soit au service des humains et non pas le maître des humains. Alors, ça, c'est gestaltisme, je crois. C'est ça, en tout cas, c'est ma façon de vivre la gestalt. Comment je voudrais qu'on continue à que ça continue à exister. Moi, je suis en train d'écrire. J'écris, c'est un livre. Mes fantaisies, c'est que j'espère qu'un jour, quand je ne serai plus là, il y a des psychologues qui seront écœurés et déprimés de faire de la petite technique vont trouver des choses qui vont les réanimer dans ça. Tu sais, ça s'appelle, pour l'instant, le titre, c'est mon récit de l'histoire des autres. Les autres étant ceux qui m'ont fabriqué. C'est chouette parce que tu prévois après de continuer à soigner et être ce que tu as été, c'est-à-dire vivante et réanimer les autres. Je lutte contre ma mortalité. Ça me fait souffrir un peu de voir la déshumanisation des services. Oui. Ici, au Québec, ça doit être la même chose partout. J'ai des amis en France qui me disent la même chose. J'ai un ami qui me racontait que son chef de service lui a dit « Bon, dorénavant, là, la thérapie par la parole suffit, ce sont les médicaments, point. » Alors ici, les psys quittent, vont dans les institutions quand ils sortent de l'université, mais ils quittent en-delà de 5 ans, ou au maximum 5 ans. Ils s'en vont en privé parce que dans les institutions, on ne s'occupe pas des êtres humains. On s'occupe des chiffres, on s'occupe des budgets, un peu des symptômes là, pour les faire disparaître, et dès qu'ils sont disparus, donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle de burn-out, d'épuisement professionnel. Je ne sais pas si on est encore en gestalt, mais moi, ça m'affecte beaucoup de voir une jeune psy qui s'investit beaucoup auprès d'un jeune enfant qui a eu une enfance terrible, etc., qui est en train de le sortir de... Bon, puis finalement, le coordonnateur arrive. Bon, ça suffit, là, les symptômes sont disparus, on passe au suivant. Ferme le dossier. Alors, tu sais, les gens font des burn-out, comme on dit. Bon. Donc, les institutions ici sont mortelles. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais bon, on ne finit plus d'avoir des cas de... On appelle la DPJ, donc c'est supposé être la Direction de la protection de la jeunesse. Il y a des millions là-dedans. Et on se demande qu'est-ce qu'ils font. Ça ne finit plus de sortir des cas d'une mère qui avait appelé au secours. Son mari sentait qu'il était séparé, mais sentait qu'il était pas bien dangereux. Ben, elle a fait 3 signalements et finalement, lui a tué les 2 enfants. Comprends-tu? Il y en a de ça, là, comme ça, là. Bon. Alors, on cherche le coupable. Il n'y en a pas. C'est juste une bureaucratie inhumaine, impersonnelle, etc. On est dans ça. Et ça, moi, ça me fait souffrir. Mais ça, même, ça m'enrage. Ouais. Oui, c'est ce que j'entends. J'entends qu'il perçoit pleine d'émotions, pleine de vie, pleine de combats. Et voilà, c'est ça que je vois. Comment tu es gestaltiste ou être humain, j'en sais rien. Qui s'exprime avec la gestalt, entre autres. Ouais. OK. Je crois qu'on est arrivé au bout. Je vérifie si je n'ai pas oublié une question. Non, je crois que je t'ai posé toutes les questions que, une autre, que j'avais à te poser. Oui, dis-moi. Ben, justement, moi, je me demandais si tu avais envie de dire quelque chose à dire encore. D'autres dimensions de la gestalt auxquelles je tiens beaucoup et que j'ai développées un peu plus. Une, c'est la dimension corporelle, qui est inclue dans la théorie. Mais moi, j'en ai fait une spécialité, si on peut dire, en travaillant particulièrement sur la dimension corporelle. J'en ai fait des ateliers de formation. C'est le corporel est notre maître. On a beau décider toutes sortes de choses dans notre tête, il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Puis les sciences commencent à le reconnaître. On parle de plus en plus du deuxième cerveau, etc. Donc, notre corps est notre grand maître et il peut nous dire toutes sortes de choses intéressantes sur ce dont on a besoin pour rester vivant. Donc, la dimension corporelle, et il y a aussi la dimension rêve. J'ai fait beaucoup d'ateliers sur le rêve et la dimension imaginaire. Créativité, dans le fond, mais c'est ça. Donc, tout le monde n'est pas un artiste, mais tout le monde a besoin d'utiliser sa créativité. Les humains ont ça. On a son salaire, quand même. Le homo sapiens a beaucoup de défauts, mais il est capable de... Il a besoin de vivre à travers des symboles. Et toi, tu l'as utilisé assez, ta créativité? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu la vis en dehors de ton travail? Oui, mais la musique est toujours importante pour moi. J'ai écrit sur les rêves, j'ai fait des ateliers sur les rêves et l'imaginaire. Je m'occupe beaucoup de mes rêves, j'en fais beaucoup, je les écris, des fois j'ai pas le temps, des fois j'ai le temps, bon, etc. Il y a les petits rêves, il y a les grands rêves, il y a ceux non, qui sont comme ça, mais il y a ceux qui nous disent aussi beaucoup de choses, hein? Beaucoup de... Voilà. Bon, et je crois qu'on est arrivé au bout de ce moment ensemble. Merci beaucoup de m'avoir donné ton temps, ta OK. disponibilité. C'est toujours Ça un plaisir pour moi de te répondait à tes retrouver. questions? Ça Tu répondait as à tes répondu questions? à la question avec qui tu es et comme tu es, c'est tout à fait Ouais. ce qui est, Ouais. voilà, ce qui est là, ici et maintenant, aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que, pas dans ce que je dis, mais le fait, j'imagine que ça va faire ressortir la dimension qu'on appelle la dimension contextuelle. Je suis certaine que je parle d'une façon qui ressemble à ce que d'autres vont dire dans d'autres pays, mais qu'il y a des choses spécifiques aussi, étant donné la culture dans laquelle je vis. Alors, je te remercie beaucoup, ça m'a fait plaisir. Mais moi aussi, je vais arrêter, j'arrête maintenant OK. l'enregistrement. OK. Alors maintenant qu'on arrête l'enregistrement, comment vas-tu, toi? Attends, je n'ai pas arrêté. Hop, Ah, j'arrête. C'est pas grave, ils auront la question, c'est très gai, c'est très vivant. Moi, j'aime beaucoup.